On dirait un nom de maladie, la bleuite. Et peut-être était-ce réellement une maladie. Une maladie qui a décimé les rangs du FLN pendant la guerre d'Algérie. Une maladie insidieuse et mortelle, volontairement introduite dans les maquis algériens par l'armée française. Nous allons y venir en compagnie de M. X, qui m'a accordé cette semaine un nouvel entretien. M. X, qui, peut-être vous en souvenez-vous, m'a déjà apporté la preuve qu'il avait personnellement joué un rôle important en Algérie. Mais avant d'entendre mon interlocuteur nous raconter dans le détail cette extraordinaire opération d'intoxication, je crois nécessaire de vous donner quelques précisions d'ordre historique. Tout commence le 8 novembre 1956. Ce jour-là, le général Salan est désigné comme commandant de la 10e région militaire et commandant suprême en Algérie. Deux mois plus tard, Salan est convoqué par le ministre résident Robert Lacoste. Celui-ci l'informe que sur l'ensemble du département d'Alger, il va donner tous les pouvoirs de police à la 10e division de parachutistes commandée par le général Massu. Une décision grave, inédite et très importante. Car cela signifie que l'autorité civile se dessaisit de ses pouvoirs et les confie à l'armée. On sait ce qu'il en adviendra. Certes, les paras de Massu gagneront la bataille d'Alger et la ville recouvrera le calme, mais ils multiplieront aussi les exécutions sommaires et généraliseront l'emploi de la torture. Qui sont les hommes à qui on attribue ses pouvoirs de police? La plupart ont déjà combattu en Indochine, où ils ont fait face à une véritable armée organisée, surtout dans les dernières années. Mais certains, comme le colonel Trinquier et ses officiers, en sont revenus avec des idées bien précises sur les méthodes à appliquer en matière de guerre anti-subversive. Des idées qu'ils ont d'ailleurs, paradoxalement, piochées dans les théories de Mao Zedong. C'est ainsi, nous l'avons appris au cours d'un précédent récit de M. X, qu'ils ont créé en Indochine des maquis pro-français formés de combattants autochtones, avec une contrepartie de taille. Pour obtenir le soutien de ces maquisards anti-vietnamiens, il leur fallait aussi se transformer en trafiquants d'opium. C'est donc à ces hommes, férus d'actions psychologiques et de guerres anti-subversives, que l'on confie les pouvoirs de police à Alger. Il leur faut d'abord s'adapter à la guérilla urbaine. Les attentats sont quotidiens et le FLN règne en maître sur la Casbah. Son organisation, parfaitement cloisonnée, compte plus de 1000 combattants et 4500 autres militants sont chargés de les soutenir et de collecter des fonds. Et surtout, le FLN jouit incontestablement du soutien de la population musulmane. Il s'agit donc pour les paras de Massu de briser cette organisation en faisant d'abord pression sur la population arabe, Trinquier, car c'est lui qui va d'abord être aux commandes, met en place un DPU, un dispositif de protection urbaine. Son but officiel, faire participer l'ensemble de la population, musulmane et européenne, à sa propre protection. 7500 hommes, la moitié d'une division, sont affectés au DPU. Première tâche, ficher tous les habitants de la Casbah et des bidonvilles. Tous ceux qui veulent échapper à ce recensement sont considérés comme suspects et traités comme tels. Mais surtout, on encourage la délation à grande échelle. Très vite, les résultats sont là. Les chefs locaux du FLN sont pris les uns après les autres. Ceux qui ne sont pas tués ou arrêtés doivent fuir la zone algéroise. Le dernier à résister se nomme Yassef Saadi. Mais il finit par tomber à son tour. La bataille d'Alger est pratiquement gagnée. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette victoire n'a été possible que parce que des militants du FLN ont été retournés, ont accepté de collaborer avec les paras et ont dénoncé les leurs. C'est cela, la bleuite. Pourquoi? Parce que ces traîtres à leur cause étaient vêtus de bleu de chauffe, une sorte d'uniforme qui rapidement va terroriser toute la Casbah, la Casbah où désormais plus personne ne fait confiance à personne. Dans un instant, la diffusion de la première partie de mon entretien avec Monsieur X sur cette mystérieuse bleuite. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Mais qui a inventé la bleuite ? Un type étrange, assez redoutable, le capitaine Léger. Mmh. Racontez. C'était pourtant un type qui ne payait pas de mine, grand, mince, brun. Il ressemblait à un étudiant. Un étudiant bien élevé, bien sage. Or, c'était tout le contraire. Léger était un homme d'action, un baroudeur, un gars qui n'avait pas froid aux yeux. Il l'avait montré en Indochine, où il était déjà sous les ordres de Trinquier. Mais c'était surtout un spécialiste incontesté du renseignement. Alors un homme du SDEC. Oui, il en a fait partie. D'ailleurs, dans sa biographie officielle, il y a un trou de 2 ans, entre 1955 et 57. Vous avez une idée, bien sûr. Bien sûr. Je suis à peu près certain que dans ces années-là, Léger s'est bagarré contre les marchands d'armes qui approvisionnaient le FLN. Encore la main rouge, c'est ça ? Oui, oui, vous vous rappelez, je vous ai démontré, preuve à l'appui, que cette pseudo-organisation contre-terroriste était en fait une pure création de notre service de secret. D'accord. Alors, Mais Léger, là, que vient-il faire en Algérie? Est-ce à cause de ses connaissances en matière de renseignement? Naturellement, et aussi parce qu'en Indochine, il avait monté un groupe de 300 paravietnamiens, dont beaucoup étaient d'anciens combattants Viet Minh, qui ont été faits prisonniers. Et puis retournés. Retournés, ouais. Bien sûr. Bon, enfin, des types qu'il avait galvanisés. C'était un meneur d'hommes. Et je peux vous assurer que ces paravietnamiens ont fait très très mal à leurs anciens camarades. Alors, quand il arrive en Algérie, je pense qu'on va lui proposer de faire la même chose avec les types du FLN. Non? À peu près, oui. Et quand il arrive là, il a quitté le SDEC? Vous savez bien que lorsqu'on a appartenu à ce genre de maison, on reste en quelque sorte pensionnaire à vie. Il me semble que vous êtes pas mal placé pour le dire, non? Passons. Ce que je peux vous dire, c'est que très vite, Léger obtient des succès et recrute des gars qui étaient des responsables importants du FLN. Attendez, comment faisait-il? Il les torturait? Pas du tout. Attention, je ne dis pas que Léger était un tendre, hein. Bien au contraire. Mais c'était un officier très très habile, un véritable spécialiste de la guerre psychologique. Bah, expliquez-moi sa méthode, alors. Voilà comment il pratiquait. Dès qu'un félaga d'une certaine importance était fait prisonnier, Léger allait le voir et discutait avec lui. Et ça suffisait, ça? Oh, je ne dis pas que ça se faisait en 5 minutes, mais enfin, Léger était vraiment très persuasif. Il disait en gros, qu'est-ce qu'on fait en ce moment en Algérie? On se bat entre Français, parce que toi aussi, Mohamed, tu es Français. Hein, t'es aussi Français que moi, parce que je ne fais pas de différence, moi, entre un Français musulman et un Français de souche, entre un Arabe et un pied-noir. Voilà comment il leur parlait. Ça marchait. Ouais, admettons, mais enfin... Autre question, alors, pourquoi a-t-il habillé de bleu de chauffe tous ces types qui la retournaient? Bah, pour impressionner la population. Vous voulez dire impressionner, pour lui faire peur? Bien entendu. Mais il y avait aussi autre chose de plus perfide. Léger, en fait, voulait aussi persuader les habitants de la Casbah que ces hommes étaient partout et qu'aucune information ne pouvait leur échapper. Puis, bon, n'oubliez pas que tous ces bleus, comme on les appelait, avaient été des lieutenants, des grands chefs FLN d'Alger. Yassef Saadi, Simourad, Ali Lapointe, alors n'est-ce pas si cela avait choisi la voie de la collaboration avec la France, pourquoi continuer à résister? La persuasion par l'exemple. Voilà. Et si ce n'était pas suffisant, on pouvait aussi envoyer les gros bras. Chez Léger, il y en avait aussi. Un gars en particulier, Abdelaziz Abdelhami, qu'on surnommait Surcouf, pour je ne sais quelle raison. Celui-là, c'était un colosse, un tueur. Et vous voyez bien que la psychologie a parfois des limites. Hein. Évidemment. Donc cette bleuite, puisqu'il vaut bien l'appeler ainsi, a donc été très contagieuse. Très, très, très, oui. Et la réputation des bleus de chauffe est parvenue jusqu'au chef de Vilaya qui tenait toujours le maquis. Mais ces hommes du maquis ont échappé, eux, à la contagion? Non, non, je vais vous expliquer pourquoi. Et autant vous le dire, c'est assez machiavélique. En août 57, en pleine bataille d'Alger, les paras de Massu ont mis la main sur un gros poisson, Hassen Gandrich, qui se faisait aussi appeler Safi, le pur. Un gros poisson, c'est-à-dire? Gandrich était le chef de la zone est d'Alger. Ce qui est intéressant, c'est que son arrestation a été tenue secrète. Il a été retourné, lui aussi? Assez rapidement. Et Léger lui a demandé de continuer à correspondre avec les autres dirigeants FLN d'Alger. Or, à cette époque, Ali Lapointe et surtout Yassef Saadi n'étaient pas encore tombés. Mais correspondre, de quelle façon, comment? Chacun de ces hommes avait une planque, une sorte de boîte postale. Enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est que ces dirigeants FLN ne savaient pas que Gandrich était tombé dans les mains des Français. Donc, ils n'avaient aucune raison de se méfier de lui. Ce qui signifie que, malgré eux, ils ont fourni des informations capitales à leurs ennemis. Mais je comprends. Et ça a duré longtemps, ce petit manège? Quelques précieuses semaines. Et soudain se passe un événement inespéré pour le capitaine Léger. Yassef Saadi sent qu'il va bientôt être arrêté à son tour. Seulement, il faut assurer la continuité de la lutte. Alors il nomme Gandrich, responsable militaire de la zone d'Alger. Et mieux, pour authentifier cette nomination, il la communique au chef de la Vilaya 3, le célèbre Amirouche. Donc Léger, maintenant, avec Gandrich, la manipule l'homme qui est le patron militaire du FLN à Alger. Oui, avouez que c'est quand même un coup de maître. On peut voir les choses ainsi, oui. C'est pas fini, car les paras, à peu près à la même époque, arrêtent le chef de la zone ouest, Mohamed Hani, et lui aussi accepte de collaborer. Et j'aime vous... Franchement, hein, malgré vos explications, j'ai toujours du mal à comprendre comment tous ces types du FLN qui s'étaient battus durement contre l'armée française ont craqué aussi vite. Je crois qu'il y avait aussi chez eux une grande part de lassitude. Ils s'étaient durement battus, c'est vrai. Ils avaient mis Alger à feu et à sang en provoquant des attentats terriblement meurtriers. Mais ils découvraient soudain qu'en très peu de temps, leur organisation avait été démantelée, leurs hommes arrêtés, tués. Alors, à quoi bon continuer? Continuer? Peut-être que non, mais trahir, c'est quand même autre chose. Alors imaginez qu'ils ont eu également peur pour leur vie. Les corvées de bois, vous vous souvenez, ça existait. Ouais, ouais. Ces soi-disant corvées au cours desquelles les félagas étaient froidement abattus dans le dos. On prétendait ensuite qu'ils avaient tenté de fuir. Puis souvenez-vous, comment appelait-on ces types qu'on retrouvait noyés dans le port d'Alger? Vous vous souvenez pas de ça? Si. Les crevettes Bijard. Ouais. Bon, ça fait réfléchir. Ouais. Tout à fait, oui. Mais reprenons. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire après la bataille d'Alger, hein, Léger contrôle l'organisation FLN de la ville. Au fond, c'est lui le vrai chef du FLN algérois. Exactement. Mais ces deux hommes-là dont vous avez parlé... Gandrich et Annie. Oui. J'imagine que Léger ne les habille pas de bleu de chauve, ceux-là. Bien évidemment, il les tient cachés. Car il faut qu'à l'extérieur, dans les vilayas, on continue de croire qu'ils sont libres. C'est capital. Parce que Léger sait que tôt ou tard, des hommes du maquis prendront contact avec eux. Seulement, un gros problème se pose. Pour que Gandrich et Annie continuent d'être crédibles, ben, il faut qu'ils agissent. Oui, c'est-à-dire qu'ils continuent à poser des bombes ou à perpétrer des actions terroristes. Oui, cela, je vous le dis, c'est un vrai casse-tête pour le capitaine Léger et ses chefs. Après avoir effectué cet enregistrement avec Monsieur X, j'ai naturellement feuilleté l'ouvrage le plus important et sans doute le plus complet sur la guerre d'Algérie. Je veux parler de l'ouvrage d'Yves Courrière, paru chez Fayard. Dans le troisième tome, intitulé « L'heure des colonels », Yves Courrière souligne qu'aux yeux du FLN, Gandrich restait le seul chef encore en liberté dans la zone d'Alger. Le capitaine Léger avait loué pour lui, pour Annie et pour une autre militante retournée, Ouria, une villa discrète dans le quartier résidentiel d'El Biar. Et Courrières explique très bien ce qu'attendent les Français et en particulier le colonel Godard, le chef de Léger. Je cite Courrières. Godard se doutait que le FLN, dont les réseaux algérois avaient été démantelés, allait essayer de reprendre contact avec la population et tenter de se réimplanter grâce à des éléments venus des maquis et inconnus de ses services. Le front ne pouvait rester sur cet échec. Il ne se trompait pas. La bataille d'Alger avait transformé en policiers chevronnés ces paras qui ne rêvaient que combats purs et durs, où l'on respectait l'ennemi en l'affrontant, et qui avaient tant protesté contre la mission policière que les civils leur avaient imposée. Godard était devenu maître flic, il prévoyait tout. Retrouvons M. X. J'ai arrêté l'enregistrement au moment où il me disait que pour être crédible, les chefs FLN arrêtés et retournés devaient obligatoirement passer à l'action. Bon, autant vous le dire tout de suite, les supérieurs hiérarchiques de Léger n'étaient pas chauds pour organiser des faux attentats. D'autant que la population algéroise goûtait le calme qui s'était instauré après la bataille d'Alger. Et Léger lui-même qui... Oh, lui, c'est autre chose. C'est un fonceur. Cette opération de retournement, c'est son œuvre, c'est sa chose. Et il est bien décidé à la sauvegarder à tout prix. Alors, il a fait le siège de ses supérieurs et il leur a dit il y a urgence. Pourquoi urgence? Parce que les chefs des vilayas s'impatientaient. Ils avaient envoyé à Gandrich et Annie des armes, des munitions, des grenades, des bombes, et rien ne se passait à Alger. Ça devenait suspect. Puis il y avait autre chose, il y avait un argument très subtil que Léger a utilisé. Il leur a dit en substance, à Godard, qui était son chef, « Si on ne commet pas de faux attentats, les autres, ceux du maquis, vont descendre à Alger, et eux, ils vont commettre des vrais attentats et faire des dégâts, mais des dégâts sanglants. » Oui, c'est en effet assez culotté et subtil. Très subtil, oui, mais ça ne vous surprendra pas après le portrait que vous avez fait du capitaine Léger. Pas trop, mais alors il a réussi à convaincre ses chefs? Oui, parce que Léger était persuadé que s'il ne passait pas à l'action, la catastrophe était inéluctable. Mais attention, on lui a quand même dit d'accord pour les attentats, à condition qu'il n'y ait ni mort ni blessé. Uniquement des dégâts matériels. Voilà. Et comment a-t-il procédé? Il a commencé par faire éclater une grenade dans les propres locaux de son commando, des bleus de chauffe. En veillant bien sûr à ne blesser aucun homme. Mmh. Et c'était très malin parce que ça prouvait aux autres, les hommes des vilayas, que le FLN d'Alger était encore puissant, puisqu'il n'hésitait pas à s'attaquer directement à son ennemi le plus redoutable. Mmh. Ouais, oui, mais une grenade, ça ne devait quand même pas suffire, non? C'est juste. Alors Léger va passer au stade supérieur. Quoi, une bombe? Pire. Un montage cynique et pour tout dire assez révoltant. Expliquez. Ça se passe en trois temps. Premièrement, Léger, accompagné de son adjoint Surcouf. Ah oui, le tueur. Oui, le tueur. Donc Léger va arrêter un félaga. Pour lui, ce n'est pas compliqué, il a la liste de tous les gars encore en liberté dans la zone d'Alger. Deuxièmement, il s'arrange pour que le type essaie de fuir. Aussitôt, Surcouf l'abat d'une rafale de mitraillette. Troisièmement, Léger appelle par radio une patrouille de paras. Et il explique posément, en montrant le cadavre du félaga, « Ce type-là a essayé de s'échapper à un contrôle, il vous a balancé une grenade, vous l'avez tué. » Et les paras marchent dans cette histoire? Que voulez-vous qu'ils fassent d'autre? Léger est capitaine et tout le monde à Alger sait que c'est lui l'homme des bleus de chauffe. Donc les paras obéissent? Oui, mais pour faire une bonne mesure, Léger dégoupille devant eux une grenade et il la lance contre le véhicule des paras. Pour faire plus vrai? Bien sûr. Et je comprends mieux maintenant pourquoi vous me disiez que Léger n'était pas à attendre, parce que, bon, c'était quand même un assassinat commis de sang-froid, ça. Oui, mais c'était la guerre. Vous croyez que ça excuse tout? Non, certes. Je ne vous ai pas dit que j'approuvais. Enfin, Léger était comme ça, il était prêt à tout pour réussir son affaire. C'était ça qui comptait, uniquement ça. Et alors, est-ce que ces deux faux attentats ont calmé les hommes du FLN, enfin du maquis? Pendant un certain temps, oui. Mais très rapidement, ils ont estimé que les journaux n'en avaient pas assez parlé. Ce qu'ils voulaient, c'était frapper l'opinion musulmane, vous comprenez? Après le désastre de la bataille d'Alger, ils avaient peur que la population ne se résigne. Et abandonne la cause du FLN. Évidemment. Or, dans ce genre de guerre, une organisation clandestine ne peut pas continuer le combat si elle n'est pas soutenue par la population. Léger l'avait bien compris, lui, puisqu'il travaillait justement à faire en sorte que les musulmans affolés par les retournements et les délations ne sachent plus à qui faire confiance. La guerre, donc, se jouait sur le terrain, mais aussi dans les têtes. Ouais. Revenons à Léger. Est-ce qu'il sait, lui, qu'il n'a pas réussi à convaincre durablement le FLN des vilayas? Bien sûr. Et assez vite, il apprend l'existence d'un commando qui va arriver à Alger. Un commando chargé de perpétrer de nouveaux attentats. Alors là, que va-t-il faire là ? Ben, il frappe le premier. Encore un faux attentat ? Non, il décide d'attaquer au cœur même de la cible. Et au cours d'une opération terriblement risquée, il se rend lui-même avec une dizaine de ses hommes, tous des félagas retournés dans le maquis. Et comme ça, ils vont pouvoir se faire passer pour des militants du FLN ? Oui. Léger aussi ? Léger aussi. Il est brun, il a le teint mat, il peut passer pour un kabyle, et puis il parle parfaitement l'arabe et le kabyle, ça aide. Mais quel est son objectif, là, en tentant ça ? Tout simplement, capturer l'état-major de la zone et éliminer le commando qui doit agir à Alger. Et il réussit ? Oui. Léger était vraiment un type gonflé, et les conséquences de cette opération vont être formidables pour lui. Car il va imaginer un nouveau piège, un piège mortel. Une nouvelle fois, je me suis reporté à l'excellent ouvrage d'Yves Courrière sur la guerre d'Algérie. Mon confrère évoque cette opération commando du capitaine Léger dans la région de Borj-Menayel. Courrière raconte qu'à 4 heures du matin, tout l'état-major de la zone, 11 personnes au total, a été arrêté. Léger a ensuite fait appeler deux compagnies de paras en renfort. Toutes les installations, ateliers de fabrication de bombes et de réparation d'armes, infirmeries, caches, ont été détruites en 2 heures. Explosifs, armes et documents ont été saisis et ces derniers immédiatement exploités. Le chef de la zone, un certain Sabri, offre aussitôt de collaborer avec Léger. Encore un dirigeant FLN retourné. Un dirigeant qui parle et dénonce le commando qui devait frapper dans Alger. En moins de 48 heures, écrit Courrière, Léger vient d'être payé de plusieurs mois d'efforts. La tentative de réimplantation du FLN dans la capitale a fait long feu. Il faudra attendre les derniers mois de la guerre pour que le Front puisse à nouveau manifester son autorité sur la ville blanche. Mais reprenons la diffusion de mon interview de M. X. Il disait qu'à l'occasion de cette audacieuse opération dans le maquis, Léger allait imaginer un nouveau piège. Écoutons-le. Léger avait donc mis la main sur des proies très importantes, mais il avait aussi recueilli un grand nombre d'informations très intéressantes. C'est ainsi que beaucoup d'autres hommes et femmes, militants et sympathisants FLN, ont été identifiés et arrêtés. Et parmi eux, une très jeune et jolie fille, Tadjer. Bien sûr, il a dû essayer de la retourner, elle aussi. Hein. Bien sûr. Il a chargé de cette besogne Gandrich, l'ancien chef de la zone est d'Alger. Et apparemment, la jeune Tadjer a accepté de collaborer avec les Français. Pourquoi cet apparemment ? Eh bien, apparemment, parce qu'assez rapidement, Gandrich s'est rendu compte que Tadjer était coriace et que ses convictions pro-FLN n'étaient nullement entamées, même si elle feignait de dire le contraire. Alors, comment ont-ils fait ? Si on la relâche, a dit Gandrich, elle retournera illico rejoindre un maquis FLN. Donc on la garde ? Un petit moment, oui, juste le temps de la mettre en confiance. Mais j'avoue, je ne comprends pas pourquoi essayer de la mettre en confiance, puisqu'on sait qu'on n'arrivera pas à la convaincre. Parce qu'une idée assez diabolique vient de germer dans le cerveau de Léger. Racontez, alors. Elle se dit que si cette fille est fidèle au FLN, pourquoi ne pas se servir de cette fidélité au lieu de perdre notre temps à la retourner ? Mais s'en servir pour faire quoi ? Pour intoxiquer le FLN. Une vraie, une pure, on n'ira pas la soupçonner. Donc il faut se débrouiller pour lui communiquer des informations erronées, bien sûr, et ensuite la lâcher dans la nature. Elle n'aura rien de plus pressé que d'aller transmettre ces informations au FLN. C'est en effet assez diabolique, mais comment lui communiquer ces fausses informations sans qu'elles nourrissent des soupçons ? Là, c'est le deuxième coup de génie de Léger. Il faut, je vous l'ai dit, mettre la jeune fille en confiance, c'est-à-dire lui faire croire qu'on pense vraiment qu'elle a accepté de jouer le jeu des Français. Donc, on la laisse aller et venir dans la villa où Léger cache ses agents retournés. Et lorsqu'elle jette un œil curieux sur les documents qui traînent sur les bureaux, on feint de ne rien voir. Je commence à comprendre. Ces documents, ce sont des faux. Exactement. Des documents forgés par Léger à partir de papiers authentiques du FLN. Et que contiennent ces papiers ? Des noms. Beaucoup de noms. Des noms d'informateurs de Léger, de faux informateurs, bien sûr. Mais Tadjer, en découvrant ces noms, est effaré. Sur ces listes, il y avait le gratin de la Vilaya 3. En particulier le chef de la zone 1, Mayouz, qui était entouré de traîtres. Est-ce que c'était pas quand même un peu gros ? Non, non, non. Tadjer ne pouvait avoir aucun doute sur l'authenticité des documents et sur l'ampleur de la traîtrise. Mais pourquoi ? Parce qu'elle avait quotidiennement sous les yeux des preuves vivantes de la trahison. Ces Gandrich, Annie, Sabri avaient été des membres éminents du FLN. Des chefs respectés, incontestés, et pourtant ils étaient passés du côté de la France, alors... Pourquoi les maquis ne seraient-ils pas eux aussi infiltrés, vous comprenez ? Ouais. Et Léger espère que la jeune fille va aller informer le FLN de ses découvertes. Bien sûr, c'est ça. Un jour, Léger lui rend la liberté. Et bientôt, dit-il, j'aurai besoin de toi. Une mission importante. Tadjer promet de revenir dès que le capitaine fera appel à elle. Mais en fait, dès qu'elle est dehors, elle disparaît. Direction le maquis. Oui. Elle file voir Mayouz, le chef de la zone 1 de la Vilaya 3. Et là, elle déballe tout. C'est le commencement d'une fantastique et sanglante épuration dans les rangs du FLN. Le début d'une réaction en chaîne incontrôlable. Et pourquoi incontrôlable ? Non, laissez-moi vous expliquer. Quand la délation est en marche, on ne peut plus l'arrêter. Les hommes dénoncés par la jeune Tadjer ont été torturés. À leur tour, pour échapper à leur bourreau, ils ont dit n'importe quoi, accusés d'autres camarades, et ainsi de suite. Et ces faux traîtres étaient immédiatement tués, j'imagine. Naturellement. Ça ne s'est pas arrêté là. La contagion a gagné la Vilaya 4, celle qui était dirigée d'une main de fer par Amirouche. Et celui-là, c'était un féroce qui avait déjà une tendance naturelle à voir des traîtres partout. Donc, il a fait fusiller ou égorger des cargaisons de Junoud, soupçonnés d'être des espions à la solde des Français. Et est-ce qu'on a une idée chiffrée des dégâts causés par cette entreprise d'intoxication ? Après coup, on a estimé que des milliers de combattants FLN avaient ainsi été éliminés par leurs propres frères. Des milliers ? Oui. Aussi invraisemblable que cela paraisse, Léger lui-même n'en attendait pas tant, je vous l'assure. Et Tadjer, qui était à l'origine de ce massacre, malgré elle ? Eh bien, elle a été une des premières victimes de cette campagne de terreur. Et je comprends pas. Qu'est-ce qu'on pouvait lui reprocher à elle ? Mayouz savait qu'elle avait été arrêtée par les paras. Pourquoi l'avait-on relâchée ? N'était-elle pas elle-même une traîtresse qui ne livrait les noms que pour se dédouaner ? Donc Mayouz l'a torturée, l'a ensuite exécutée. Ouais, c'est horrible. Et à votre avis, le capitaine Léger. Savait-il qu'elle finirait ainsi lorsqu'il lui a rendu la liberté ? Sans aucun doute. C'était le sort de tous les militants qui avaient été arrêtés. Libérés, ils étaient considérés comme suspects. On a vu la même chose en France, dans la Résistance. Donc il l'a sciemment envoyé à la mort. Oui, mais comme on dit aujourd'hui, ça n'était pas son problème, je vous l'ai dit. Léger, c'était un type qui, lorsqu'il faisait la guerre, n'avait aucun scrupule et ne reculait devant rien. La Bleuite, sur le strict point de vue des résultats militaires, a été une réussite grâce à lui. Bon, enfin, je vous le dis franchement, c'était vraiment la pire des maladies, parce qu'elle avilissait les corps et les âmes. Une belle saloperie, en vérité. Dans La piscine, un livre consacré au SDEC, Roger Faligo et Pascal Krop estiment à 4000 le nombre de combattants FLN tués à la suite de cette manœuvre d'intoxication initiée par le capitaine Léger. D'autres auteurs citent le chiffre de 5000. Et pourtant, la Bleuite et plus largement toutes ces entreprises de désinformation dont nous a parlé M. X ont-elles été aussi efficaces qu'on le prétend ? Je me suis reporté un livre récent écrit par un Américain, Douglas Porsche, sur l'histoire des services secrets français. Je cite cet auteur. Il est incontestable que la Bleuite introduisit la confusion à l'intérieur des wilayas. Jointe à d'autres innovations telles la ligne Maurice qui isola le théâtre des opérations, elle fragilisa à l'extrême les forces rebelles de l'intérieur. Cependant, les méthodes de contre-espionnage et de guerre anti-subversive ne pouvaient donner leur pleine efficacité tant qu'elles servaient une politique inadaptée. En renforçant la haine à l'égard de la France au sein de la population musulmane, elles contribuèrent finalement à la défaite de celle-ci. Plus loin, Douglas Porsche est encore plus sévère, je le cite à nouveau. Les services secrets français souffrirent de leur propre bleuite, sorte de délire qui se reporta toujours davantage sur le gouvernement et en fin de compte sur leurs compatriotes. Embourbés dans la lutte, ils se coupèrent de leur base politique et perdirent de vue les buts ultimes d'une guerre qu'ils menaient avec tant de détermination. À terme, ils ne donnèrent à voir d'eux-mêmes que le reflet de leurs adversaires, factieux, brutaux, méfiants et pour finir, déloyaux. Bref, selon cet auteur, ces hommes dont nous a parlé M. X finirent par être victimes d'eux-mêmes. Je vous retrouve samedi prochain pour un nouvel entretien avec M. X.